Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Christel, Centre Europe Direct, Lorraine Grand Est. Aujourd'hui, on va parler des importations et du e-commerce. En effet, l'Union Européenne instaure un droit de douane de 3 euros. Et nous évoquerons aussi le sujet des réfugiés ukrainiens. Où en est l'accueil dans l'Union Européenne? Première actu, importation et e-commerce. L'Union Européenne instaure un droit de douane de 3 euros. Eh oui, les pays de l'Union Européenne viennent de s'accorder sur un droit de douane forfaitaire temporaire de 3 euros sur certains colis importés. Pourquoi cette mesure? Qui va payer? Est-ce la fin des colis à 2 euros livrés depuis l'autre bout du monde? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, première question, très simple. Qu'ont décidé les pays de l'Union Européenne? Les États membres se sont mis d'accord pour instaurer un droit de douane forfaitaire temporaire de 3 euros sur certains colis donc importés dans l'Union Européenne. Cela concerne surtout les petits colis issus du commerce en ligne et souvent en provenance de pays tiers, notamment d'Asie. L'objectif, il est double, mieux contrôler ces flux massifs de marchandises et rétablir une forme d'équité avec les commerçants européens qui, eux, paient déjà taxes et contrôles. Pourquoi l'Union Européenne agit-elle maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'explosion du nombre de colis. On parle de plusieurs milliards de petits colis importés chaque année dans l'Union Européenne, souvent de faible valeur, parfois quelques euros seulement. Ces colis échappent en grande partie au contrôle douanier classique, à certaines normes sanitaires ou environnementales, et parfois même à la TVA et aux droits de douane. Résultat, une concurrence jugée déloyale par les commerçants européens et une surcharge énorme pour les douanes. Alors sans les nommer, on devine quand même certaines plateformes. Effectivement, même si l'Union Européenne reste prudente, tout le monde pense à des géants du e-commerce à très bas prix, comme ceux spécialisés dans la fast fashion ou les gadgets bon marché. On pourrait citer Temu ou Shein. Ces plateformes expédient des millions de colis individuellement, ce qui leur permet de contourner certains seuils fiscaux, et la mesure vise donc surtout ce modèle économique basé sur le volume massif et les prix ultra bas. Alors très concrètement, est-ce que ce sont les consommateurs européens qui vont payer ? Officiellement, les droits de douane est payé par l'importateur. Mais dans les faits, il y a de fortes chances que le coût soit répercuté sur le consommateur, directement ou indirectement. Cela peut se traduire par une augmentation du prix final, des frais supplémentaires à la livraison ou une réduction des promotions. Mais l'Union Européenne assume ce choix, estimant que les prix actuels ne reflètent pas les coûts réels, sociaux, environnementaux et fiscaux. Alors pourquoi avoir choisi un montant forfaitaire et pourquoi 3 euros ? Le choix du forfait vise la simplicité administrative. Calculer un droit de douane classique sur des colis à 1, 2 ou 5 euros serait ingérable pour les douanes. Les 3 euros ont été pensés comme un montant symbolique mais dissuasif, suffisamment faible pour ne pas bloquer totalement les importations, mais assez élevé pour freiner l'envoi massif de produits à très bas coût. C'est aussi pour cela que la mesure est temporaire, elle sert de test. Et comment réagissent les commerçants et les entreprises européennes ? Globalement, ils accueillent la mesure très favorablement. Ils dénoncent depuis longtemps une concurrence qu'ils jugent impossible à suivre sur les mêmes produits, mais sans les mêmes normes sociales ni même les mêmes obligations fiscales. Pour eux, ce droit de douane est un premier pas, même s'ils réclament souvent des règles encore plus strictes. Merci Adam pour cette première actu. On s'intéresse maintenant aux réfugiés ukrainiens. Où en est l'accueil dans l'Union Européenne ? 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Union Européenne continue d'accueillir des millions de personnes qui ont fui le conflit. Selon les derniers chiffres, plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens vivent aujourd'hui dans les pays de l'Union Européenne, avec de fortes disparités entre les États. Alors plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens dans l'Union Européenne, qu'est-ce que cela représente concrètement ? C'est un chiffre considérable. Cela fait des Ukrainiens le premier groupe de réfugiés jamais accueillis aussi rapidement dans l'histoire de l'Union Européenne. Ces personnes ont fui majoritairement après l'invasion russe de 2022 et beaucoup sont toujours installés dans les pays voisins ou dans les grands États membres. On parle donc d'un accueil massif, durable et qui s'inscrit dans le temps long. L'article souligne que l'Allemagne est le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. Pourquoi l'Allemagne ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union Européenne avec une forte capacité d'accueil. Ensuite, elle dispose d'un marché du travail attractif, de systèmes sociaux solides et d'une expérience ancienne dans l'accueil de réfugiés, notamment depuis 2015 avec les Syriens par exemple. Enfin, beaucoup d'Ukrainiens ont fait le choix de l'Allemagne pour des raisons familiales, linguistiques ou économiques. L'Allemagne n'est évidemment pas seule. Quels sont les autres pays qui accueillent beaucoup de réfugiés ? On trouve ensuite la Pologne, qui a joué un rôle clé dès les premiers jours de la guerre, la République tchèque, l'Espagne, l'Italie et enfin la France, même si dans une moindre mesure. Les pays frontaliers de l'Ukraine ont accueilli aussi massivement au début, parfois au prix de grandes tensions logistiques, avant que les flux ne se répartissent davantage dans l'Union Européenne. Alors, ces réfugiés bénéficient d'un statut spécifique, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, c'est un point fondamental. L'Union Européenne a activé pour la première fois la directive sur la protection temporaire. Concrètement, cela permet aux réfugiés ukrainiens de résider légalement dans l'Union européenne, de travailler, d'accéder aux soins, à l'éducation pour les enfants et à certaines aides sociales. Tout cela sans passer par une procédure d'asile classique, souvent longue et complexe. C'est une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Et est-ce que cette solidarité est uniforme dans toute l'Union européenne ? Eh bien, pas vraiment. Si tous les États membres ont accepté la protection temporaire, l'effort d'accueil reste très inégal. Certains pays ont accueilli beaucoup de réfugiés par habitant, d'autres beaucoup moins. Cela dépend des capacités d'accueil, des choix politiques nationaux, mais aussi de l'attractivité économique. On retrouve donc une solidarité européenne réelle, mais déséquilibrée. Et une fois arrivé, comment se passe l'intégration, notamment sur le marché du travail ? Globalement, l'intégration est plutôt rapide, par rapport à d'autres crises migratoires justement. Beaucoup d'Ukrainiens ont un niveau de qualification élevé, une forte volonté de travailler et l'espoir pour certains de rentrer un jour en Ukraine. Mais il reste des difficultés au niveau de la reconnaissance des diplômes, des barrières linguistiques, de l'accès au logement, de la précarité pour certaines familles monoparentales. L'intégration est donc réelle mais assez fragile. Merci Adam, vous retrouverez cette chronique sur les différentes plateformes de streaming. C'était donc votre chronique Europe On Air sur Radio Fadjet, présentée par l'association Christel, Centre Europe Direct Lorraine Grand Est. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.